Lait du chèvrefeuille de Marie de France. J'aurai beaucoup de plaisir à raconter le lait du chèvrefeuille, mais je veux auparavant vous apprendre pourquoi il fut fait. Vous saurez donc que je l'ai entendu réciter plusieurs fois, et que je l'ai même trouvé en écrit. Je parlerai de Tristan, de Samy, Iseut, la blonde, de leur amour extrême qui leur causa tant de peine, et de leur mort qui eut lieu le même jour. Le roi Marc, fort irrité contre son neveu, le chassa de son royaume, parce qu'il aimait la reine, dont il était tendrement aimé. Tristan revint dans le South Wales, sa patrie, où il demeura pendant une année. L'éloignement de sa belle, l'ennui de l'absence, le conduisaient insensiblement au tombeau. Ne vous étonnez pas de l'état du chevalier. Tous ceux qui aiment loyalement ressentent les mêmes douleurs quand ils éprouvent des maux pareils. Pour dissiper son chagrin, Tristan quitte sa patrie et se rend dans la Cornouaille, province que la belle Iseut habitait. Voulant se dérober à tous les regards, il habitait une forêt, de laquelle il ne sortait que le soir. Et quand venait la nuit, il allait demander l'hospitalité à des paysans, puis s'informait près d'eux des nouvelles de la ville et de la cour, et de ce que faisait le roi. Ceux-ci lui répondirent qu'ils avaient entendu dire que les barons, bannis de la cour, s'étaient réfugiés à Tintagel, que le roi, au fait de la Pentecôte, tiendrait dans cette ville une cour plénière extrêmement belle, où l'on devait beaucoup s'amuser. Enfin que la reine devait y assister. Tristan fut d'autant plus enchanté de ce qu'il venait d'apprendre que la reine devait infailliblement traverser la forêt pour se rendre à Tintagel. En effet, le roi et son cortège passèrent le lendemain. Iseut ne devait pas tarder à venir. Mais comment lui apprendre que son amant est si près d'elle ? Tristan coupe une branche de coudrier, la taille carrément, et la fend en deux. Sur chaque côté de l'épaisseur, il écrit son nom avec un couteau, puis met les deux branches sur le chemin à peu de distance l'une de l'autre. Si la reine aperçoit le nom de son ami, ainsi que cela lui était déjà arrivé, il n'y a pas de doute qu'elle ne s'arrête. Elle devinerait sur le champ qu'il avait longtemps attendu pour la voir. D'ailleurs, elle ne peut ignorer que Tristan ne peut vivre sans Iseut, comme Iseut ne peut vivre sans Tristan. « Il vous souvient, disait-il en lui-même, de l'arbre au pied duquel est planté du chèvrefeuille. Cet arbuste monte, s'attache et entoure les branches. Tous deux semblent devoir vivre longtemps, et rien ne paraît pouvoir les désunir. Si l'arbre vient à mourir, le chèvrefeuille éprouve sur le champ le même sort. Ainsi, bel ami, est-il de nous. Je ne puis vivre sans vous, comme vous, sans moi. Et votre absence me fera périr. » La reine, montée sur un palefroy, arrive enfin. Le bâton sur lequel était écrit le nom de son ami frappe ses regards. Elle voit le nom de Tristan, qui ne peut être éloigné. Mais comment se dérober à cette suite de chevaliers qui l'accompagnent ? Elle fait arrêter le cortège sous prétexte de profiter de la beauté du lieu et de se reposer. Elle défend de la suivre. Ses ordres sont exécutés et bientôt elle est loin de sa suite. Son amie, Brangienne, la confidente de ses amours, est la seule qui la suive. À peine entrée dans le bois, Iseut vit devant elle celui qu'elle aimait plus que la vie. Dieu, quel bonheur et que de choses à se dire après une aussi longue absence. Elle lui fait espérer un prompt retour et d'obtenir sa grâce auprès du roi, son époux. « Combien j'ai souffert de votre exil. Mes chers amis, il est temps de nous quitter et je ne le puis sans répandre des pleurs. Adieu, je ne vis que dans l'espérance de vous revoir bientôt. » Iseut alla rejoindre sa suite, et Tristan retourna dans le pays de Galles, où il demeura jusqu'à son rappel. De la joie qu'il avait éprouvée en voyant son ami, et du moyen qu'il avait inventé à cet effet, de la promesse qu'elle lui avait faite, de tout ce qu'elle lui avait dit, Tristan, qui pinçait supérieurement de la harpe, en fit un lait nouveau. Les Anglais le nomment Gottlieb, et les Français le chèvrefeuille. Voici la vérité de l'aventure que vous venez d'entendre et que j'ai mise en vers. Fin du poème, enregistré par Christiane Johan. Cet enregistrement fait partie du domaine public.